Ce titre est une exclusivité Classic Maker. Jolie fille, te rappelles-tu de cette époque où j'étais sec, j'étais froid? À côté de toi, j'avais l'impression d'être Shrek. J'osais à peine te parler car j'étais trop timide. À côté de toi, mes projets ont fleuri par 10 000. Je te compte à mes côtés, même dans les pires moments. C'est peut-être bête, mais t'es belle et te le dire me manque. Tu m'as connu seul, ivre et dépressif. Une épave à la dérive, à naviguer près des récifs. Désormais, le regard des autres me laisse de marbre. Oui, je sais, car l'amour me laisse des marques. Je t'aime et j'ai juré de te rendre heureuse. Moi qui voyais du noir, toi t'as coloré ma vie en rose. Si tu veux savoir, moi j'ai bloqué sur toi. Pourtant je ne cherchais pas de boyfriend. Si tu veux savoir, les mecs j'en avais marre. Je ne cherchais vraiment pas de boyfriend. Si tu veux savoir, moi je voulais dire non. Quand l'amour se pointe, il faut jamais dire non. Il n'y a rien de plus fort que les sentiments. S'il te plaît, emmène-moi au bout du monde. On s'est connus, il faisait gris, c'était l'automne. Tu étais belle et sort de toi et ton sourire était au top. Plusieurs rencontres et ma patience a eu son charme. J'avais les cartes entre les mains avec la peur qu'elle ne m'échappe. Cheveux ondulés, petites fossettes, tes yeux noisettes. Trop dur de l'avouer, mais c'est en eux que je me noyais. Aujourd'hui rien n'est pareil, car mon cœur n'est plus vierge. Je ne fonctionne que par elle, parle de moi au pluriel. J'ai peur de la perdre, car le diamant est cher. Et elle a su trouver mon amour tout autour de ses chiennes. Confiant mais maladroit, où le bonheur, je veux la voir. Je chante pas comme Balavoine, je livre un rap juste à ma femme. Si tu veux savoir, moi j'ai bloqué sur toi. Pourtant je ne cherchais pas de boyfriend. Si tu veux savoir, les mecs j'en avais marre. Je ne cherchais vraiment pas de boyfriend. Si tu veux savoir, moi je voulais dire non. Quand l'amour se pointe, il faut jamais dire non. Il n'y a rien de plus fort que les sentiments. S'il te plaît, emmène-moi au bout du monde. Il faut jamais dire non. Il n'y a rien de plus fort que les sentiments. S'il te plaît, emmène-moi au bout du monde.